que ça tournera en pop, le truc c'est hip hop. Donc c'est pour les vrais, ceux qui ont hérité dans les locaux. Enfin bref, ceux qui ont été dans les teufs, qui en est toujours, ce qu'on appelle des rêves, pas des terreurs. Tu piges jouer l'erreur, on se fit jouer l'horreur. Du vis son crew, tout par l'honneur et par bonheur. J'suis pardonneur, donc dédicace au camp, aussi au son, à ceux qui le font. On laisserait même jusqu'à leur caleçon, à ceux qui changent pas leur accent. Reste bien axé, comme mon pote Simé à Keta qui nous prouve l'impossible. Ils sont censés, on y a trouvé un possible, des possibilités. Un truc positif de la disponibilité. Merci à Cortez, Keta, Jamal, El Faralip et le French Maca pour tout ce qu'ils nous ont apporté. On parle d'avenir, tout ce qu'on va emporter, du bagage, de la vie qu'on aura apporté. La reconnaissance n'est pas à portée de main. Dédicace au quel groupe suisse, à ceux que je kiffe, Lausanne, Renan, Genève et à ceux qu'on oublie. À nos meufs, nos familles, mais surtout à mon ref speed. J'oublie pas Karine de Mars et je repars pour l'esquisse. Merci au rap français, au hip hop, à ceux qu'on lâche leur type. Maintenant, taf pour les clubs. C'est pour les frères du hip hop. Pour les mères, les proches, pour toi tu as cru à tout qui pense qu'à marquer les portes. C'est pour les foules et les peuples, pour tous les fous du hip hop. Non, personne d'autre en dédicace que faire du hip hop. C'est pour les mères et les proches, pour toi tu as cru à tout qui pense qu'à marquer les portes. C'est pour les foules et les peuples, pour tous les fous du hip hop. Les deux disant qu'on se connaît en fait. Trois ans disons qu'on esquive l'enfer. Qu'on épigre en frère, qu'on épilogue stère. Non, frère. Pour l'instant, écrire et puis encore écrire. Tu vois, c'est ça qui fait nos passe-temps. Attends, du temps, hommage à ceux qu'on a eu pour nous. Merci aux mères, aux meufs, les mecs du 1800 crew. Les mecs qui sans rien font tout. Des mecs sur qui tu peux compter. Des mecs loin d'être des fantômes. Des mecs qui fument des sticks. Des mecs qui partent en stop. Les bonbonnes dans les sacs. Des mecs aussi qui sont stone. Bref, des mecs comme il faut. Qui copient pas les petits PD. Qui font pas comme ils font. C'est fou, si tu crois que j'oublie ma famille, mes racines. Le nombre de potes qui le sont plus me fascine. Rapper demanda à lui, paraît que c'est facile. Et à lui aussi. Le truc qui est sûr, ça nourrit pas. T'as vu ma masse mine, mes joues un creux, apaissé par les spliffs. Dédicace à ceux qui m'ont vu quand je faisais pas de signe. Wap, malade comme le Six One. Ceux qu'on sous plus reconnaîtront, les autres c'est tant pis pour eux. Do fait le speech, on se connaît trop, l'esquisse c'est nous deux. C'est pour les frères du hip hop, pour les mères et les potes. Pour toi, si tu as cru à tout qui ne pense qu'à marquer l'époque. C'est pour les foules et les peuples, pour tous les fous du hip hop. Non, personne d'autre en dédicace que faire du hip hop. Pour les mères et les potes, pour toi, si tu as cru un truc qui pense qu'à marquer les potes. C'est pour les fous et les peuples, pour tous les fous du hip hop. C'est pour les frères du hip hop, pour les mères et les potes. Pour toi, si tu as cru un truc qui pense qu'à marquer l'époque. C'est pour les fous et les peuples, pour tous les fous du hip hop. Non, personne d'autre en dédicace que faire du hip hop. C'est pour les mères et les potes, pour toi, si tu as cru un truc qui pense qu'à marquer l'époque. C'est pour les fous et les peuples.